23-13. Activation orale, incertitude, inquiétude, se demander. Répondez selon l'exemple. Vous entendez... 1. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et vous dites... Je me demande ce qui va se passer. 2. Il ne sait pas si Mireille sera là. Il se demande si Mireille sera là. 3. Nous ne savons pas si Mireille sera là. Nous nous demandons si Mireille sera là. 4. Ils ne savent pas si Mireille sera là. Ils se demandent si Mireille sera là. 5. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je me demande pourquoi ils font ça. 6. Nous ne savons pas où est Mireille. Nous nous demandons où est Mireille. 7. Robert ne sait pas où elle est. Il se demande où elle est. 8. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous nous demandons ce qui va se passer. 9. Je ne sais pas si Mireille va venir. Je me demande si Mireille va venir. 10. Elle ne sait pas comment tout ça va finir. Elle se demande comment tout ça va finir.